Désiré Boukeneza. Bonsoir fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La commission Vérité et Réconciliation annonce que le projet de la restitution des résultats des témoignages recueillis par sa présidente et commission. Les trois écolières de Kirundo poursuivies pour gribouillage de la photo du chef de l'État vont bénéficier d'une liberté provisoire. L'annonce est d'Aimé Laurentine Kanyana, ministre de la Justice. Les habitants du quartier Winherekwa en zone Gehosha de la mairie de Bujumbura devraient être délocalisés dans l'urgence. Le souhait est du directeur général de la plateforme nationale chargée de la prévention et gestion des catastrophes après le constat des fissures du sol et des maisons dans cette localité. Et puis, 6 000 $ est le montant nécessaire pour faire soigner un enfant du nom de Joy Nema, âgé de 4 ans, souffrant d'une tumeur de l'œil. Sa maladie nécessite le transfert au Kenya. Voilà pour le sommaire de ce journal, mis en onde par Alphonse Kogiman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Débutons ce journal par la page Justice Transitionnelle. La commission Vérité et Réconciliation compte dans les prochains jours procéder à la restitution pilote des résultats des recueils et des témoignages opérés par la précédente commission. Cela permettra à la population de se rendre compte de ce qu'ils ont déclaré et de ce qu'ils n'ont pas encore dit, comme l'a déclaré le président de la CVR. Dans une réunion d'information et d'échange avec les représentants de certaines institutions sur les missions de la CVR, Pierre Claver Ndaïchalié leur a demandé de préparer la population pour que le moment venu, elle puisse révéler les vérités dont elle dispose. Oban Niyonguru. Dans cette réunion avec les représentants de différentes institutions, associations et églises, le président de la commission Vérité et Réconciliation leur a demandé d'appuyer cette commission dans sa mission en préparant la population à être prêt pour révéler la vérité sur le passé. Nous leur avons demandé d'être nos messagers pour que les populations comprennent que c'est à partir d'elles-mêmes que la CVR va collecter la vérité sur les tragédies qui ont eu lieu dans le pays pour que nous ayons les piliers d'une véritable réconciliation. Deuxième message, nous leur avons demandé d'internaliser, d'intérioriser le contenu de la loi sur la CVR. Pour que les uns et les autres comprennent l'émission de la CVR, pour qu'elle s'ouvre à dire la vérité. C'est cette vérité qui va libérer les Burundais. Pierre Claver Ndaïchalié a annoncé que la CVR va bientôt procéder à la restitution pilote de personnes disparues ou assassinées et de fosses communes collectées par la précédente commission. Nous allons conduire une activité importante que nous avons appelée restitution pilote des personnes disparues ou assassinées et des fosses communes déjà collectées par la CVR sortante. Cette étape permettra deux choses. C'est de dire, voici les informations que vous avez communiquées à la CVR sortante. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle est la qualité de l'information que nous venons de restituer? Deuxième réaction que nous attendons qu'ils nous disent que tout n'est pas encore dit. Nous allons leur demander de témoigner. En réalité et en un mot, il y a des personnes qui n'ont pas encore eu l'opportunité de témoigner. La réunion tenue ce mardi dans toutes les communes de la mairie de Bujumbura était la dernière après celle menée dans toutes les provinces du pays. La ministre de la Justice lance un cri d'alarme aux magistrats de se saisir une fois mis au courant d'une bavure politique dans cette période allant vers les élections de 2020. Le ministre Aimé Laurentine Kanyana l'a dit ce lundi lors de sa descente à la cour d'appel de Nahangwa. Il a profité de cette occasion pour annoncer la libération provisoire de trois écolières de Kirundo qui sont poursuivies par la justice sur l'infraction de gribouiller la photo du chef de l'État. Suivez plutôt la ministre de la Justice, traduit par Marie-Claire Cazenez. Nous sommes dans une période préparatoire des élections qui coïncide avec des actes de provocation. Il faut que les magistrats se saisissent de ces infractions et les tranchent dans les plus brefs délais pour que la sécurité du pays ne soit pas perturbée en cette période et d'avant, pendant et après les élections. Madame le ministre, il y a ce qui qualifie d'injuste l'arrestation de trois écolières du nord du pays accusées de gribouiller les photos du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez vous-même que c'est un dossier toujours dans la phase préjuridictionnelle. Je ne dirais pas que ces écolières ont été injustement arrêtées. Ce qui est prévisible est que le crime a été commis. Comme celui qui a commis ce crime n'a pas été attrapé en flagrant délit, c'est normal que l'on procède par les enquêtes. Plusieurs enfants avaient été arrêtés et certains d'entre eux ont été maintenus en prison car il y avait des preuves. Mais des informations que je détiens indiquent que le parquet, près la cour d'appel de Ngozi, a décidé leur libération provisoire. Trois jeunes gens de la colline Kijima en commune Rutovu de la province Bururi vont bientôt totaliser 2 semaines dans la prison centrale de Bururi. Ils ont été arrêtés alors qu'ils étaient venus fournir des preuves écrites dans un litige foncier. Leur famille écrit à l'injustice et demande leur libération. Le procureur général près la cour d'appel de Bururi dit que le sort de ces jeunes sera décidé par la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bururi. Jean-Pierre Misago. Depuis le 14 mars courant qu'ils ont comparu au parquet général près la cour d'appel de Bururi, Blaise Tiza, René Leichimie et Tuisenge Emery, tous de la colline Kijima, ne sont pas rentrés dans leur famille, mais croupissent dans la prison centrale de Bururi. Les informations obtenues de leur famille disent que ces jeunes apportaient au parquet général près la cour d'appel de Bururi des rapports de l'administration collinaire prouvant que les charges de destruction méchante qui pesaient contre eux étaient sans fondement, des rapports qui n'ont pas été pris en compte. L'un des parents de ces jeunes dit être dépassé par les événements et ne comprend pas comment la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bururi, qui s'est réunie mercredi de la semaine écoulée sur ce cas, ne s'est pas encore prononcé. Un ordre venu d'en haut serait à l'origine de leur maintien en détention, selon son parent, qui exige une justice pour tous. Au niveau des instances judiciaires de Bururi, on se rejette la responsabilité. Emmanuel Iradukunda, procureur général près la cour d'appel de Bururi, renvoie la balle à la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bururi, au moment où Laurent Niyukuri, président de ce tribunal, dit que c'est ce procureur général qui a instruit sur ce dossier qui en détient la clé. La réunion de sécurité de ce lundi en commune Rutovu a constaté que ces jeunes gens sont injustement retenus et Jean Daïtoyeko, administrateur communal de Rutovu, dit qu'il va lui aussi fournir un rapport en faveur de la libération de ces jeunes gens. Jean-Pierre Misago de Kibururi, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons avec la page politique dans notre série des projets de société des partis politiques. Le Parti pour la réconciliation Abatuhurana met en avant la bonne gouvernance. Deo Rusengwa Mihigo, président de cette formation politique monarchiste, souhaite développer le secteur agro-pastoral pour booster l'économie du pays. Il ajoute que sa formation politique prône aussi l'éducation. Suivez. Le projet de société de notre parti pour la réconciliation du peuple, comme celui que nous avions en 1992 lors de la naissance du parti, nous ne faisons qu'améliorer, mais nous gardons les mêmes objectifs. Au niveau économique, nous nous sommes assignés le rôle de développer le pays, le rôle de trouver des financements, le rôle au niveau de l'agriculture, de mener une agriculture moderne, un élevage moderne. Au niveau de l'éducation, nous nous étions assignés que l'école primaire irait de la première année à la 10e parce que les enfants qui se perdent en cours de route sont si jeunes qu'ils ne peuvent rien faire. Nous, notre projet jusqu'aujourd'hui, c'est que l'école primaire aille jusqu'en 10e. pour que les enfants qui se perdent après la dixième soient à même d'être utiles à leur nation, de faire quelque chose pour parvenir à vivre. Si je continue au niveau d'abord de la bonne gouvernance, nous prenons l'éradication pure et simple de la corruption. Et comment éradiquer purement et simplement cette corruption? Ce serait purement et simplement par punir sans regarder à gauche ni à droite, sans regarder si c'est un parent, une parenté ou un enfant ou qui que ce soit, que la loi soit la même et que la loi juge tout le monde de la même façon. Au niveau de la démocratie, nous, comme on l'a toujours prôné, les rois ont dirigé le pays pendant plus de 500 ans. Ils ont très bien dirigé le pays. Eux, il n'y a jamais eu de coup d'État, comme on l'a vu après le dernier roi du Burundi. Il n'y a eu que des coups d'État. Ce n'est que ces derniers jours que nous voyons alléger mieux. Nous, c'est ce qu'on prône, que le meilleur gagne et que celui qui a été élu puisse diriger le pays convenablement pour tout le monde. Pour dire que votre parti soutient le régime monarchique. Oui, naturellement, même notre parti, avant qu'il soit appelé PRP Réconciliation, mais la constitution de Buyoya dernier, il nous a contraints à abandonner la monarchie parce que cet article qui disait que la monarchie pouvait être acceptée si le peuple le décide, il avait rayé complètement de la constitution. C'est alors que nous nous sommes appelés PRP Réconciliation. Mais avant, on était PRP Royaliste. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, nous restons monarchistes. Nous restons royalistes. Deo Rusengwa Mihigo, président du Parti pour la Réconciliation, Abatuhurana, au micro de Moïse Misago. Et sur la page Environnement, délocaliser et déplacer les habitants du quartier où Winterekwa de la zone Gihosha est tracée, les canalisations sont les mesures urgentes à prendre pour protéger les dégâts observés dans cette localité. Telle est la proposition du directeur général de la police chargée de la protection civile et de la gestion des catastrophes. Antoine Nhemako indique que si rien n'est fait dans l'immédiat, la situation peut s'aggraver. C'était ce mardi lors d'une visite effectuée avec des experts de l'environnement dans cette localité qui se fait remarquer d'une généralisation des fissures du sol et des maisons. C'est un reportage signé Ornella Mucho. Des habitants de cette localité disent qu'ils sont menacés par des catastrophes naturelles. Marie-Candide et Hakidmane Généreuse disent que leurs maisons sont déjà détruites. Cette maison que vous voyez était en étage, mais elle a été détruite. Cette maison, on l'avait construite grâce à une aide, puisque nous sommes des enseignants. Mais maintenant, nous demandons abri chez les voisins avec les enfants. Les gens dans leurs maisons sont déjà démolis. Il semble comme s'ils n'y vivent plus. Ils font juste le contrôle de leurs biens. Alors, nous demandons avec insistance le traçage des canaux parce que les eaux pluviales passent dans leur propre voie et causent des dégâts. L'expert en environnement, Sauchumi Kejamarie, qui était sur place, explique que ces dégâts sont causés par un mouvement d'enfoncement du sol qui n'est pas uniforme. Sur plus d'une dizaine de maisons, on remarque que les portes sont bloquées. C'est-à-dire que le sol ici doit être bien étudié et surtout qu'il s'agit des dépôts superficiels du quaternaire mal consolidés encore. C'est peut-être un des facteurs les plus importants. Mais on n'oublie pas la forte pluviométrie dans la sous-région. Actuellement, avec le phénomène El Niño, on peut s'attendre à tout au mois d'avril. Le directeur général de la protection civile et de la gestion des catastrophes au ministère de la Sécurité publique, Antoine Nhemako, dit que l'urgence pour sauver la vie de ces gens et leur délocalisation sans toutefois indiquer le lieu ni les moyens. Un appel qu'on lance à nos hiérarchies respectives. Nous sommes ensemble avec les gens de l'administration au niveau de la plateforme nationale. Ensemble, on s'est concerté, on a vu qu'à tout prix, il y a urgence de relocaliser une partie de cette population. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a une zone déjà identifiée à risque. Ensuite, au niveau de l'aide, il peut aider. Mais pas aider dans les constructions, si jamais il y a des moyens, il peut le faire. Mais jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas encore de fonds. Cette autorité au sein du ministère de la Sécurité publique appelle la population d'être vigilant avant l'achat d'une parcelle pour la construction des maisons d'habitation pour éviter les risques. Ornella Mucho, toujours sur la page environnement, la largeur de 150 mètres prévue par le code de l'eau pour protéger le lac Tanganyika est considérée après les zones humides proches du lac. L'environnementaliste Albert Mbonerané le dit après le constat que certaines constructions érigées sur les rives violent le code de l'eau. Il précise qu'il s'avère nécessaire de différencier les acquéreurs d'eau bonne et de mauvaise foi en rapport avec les constructions d'avant le code de 2012. Bonnerané regrette que les constructions continuent dans ce domaine public hydraulique. Suivez. Quand le Parlement travaille sur l'élaboration, la validation de ce code de l'eau, pourquoi est-ce qu'ils ont délimité la zone tampon sur 150 mètres? C'est un minimum. Mais quand vous allez dans cet article 5 du code de l'eau, il faisait référence à l'ancienne constitution de la République dans l'article 159 qui disait que le ministre en charge de l'eau peut aller au-delà de 150 selon les conditions géographiques de la zone. Si on prend par exemple une zone humide qui est protégée par le code, plutôt la convention de Ramsar, c'est là le ministre peut aller au-delà de 300 mètres, de 400 mètres pour l'intérêt de la protection de la biodiversité du lac. Mais aujourd'hui, quand on a dit 150 mètres, d'abord c'est l'avantage pour la protection de la biodiversité du lac Tanganyika, mais aussi s'il y a des crues, si le niveau des eaux du lac Tanganyika venait à monter, je me dis, si le lac Tanganyika revenait au niveau où il était dans les années 63-64, pour les gens qui ne le savaient pas, la route Katumba, donc Uvira, cette route ne passait pas. Du côté d'Okajaga, c'était complètement dans le lac. Si nous prenons ce qu'on appelle aujourd'hui l'avenue du large, c'était dans le lac. Si vous allez du côté de Kibenga, etc., vous continuez Gissio, tout ça. Et là, l'eau arrivait juste au niveau de la radio nationale. Quelle perspective pourrait-on envisager pour faire face à tous ces défis? Et comme nous avons le code de l'eau, j'inviterai les autorités compétentes, c'est surtout l'administration, de veiller au respect de l'article 5. C'est maintenant où le ministère en charge de l'environnement devrait se lever pour mettre en application l'article 155 du code de l'eau pour vérifier ce que nous avons appelé les trois acquis. Sinon, les gens vont continuer à construire. Et puis demain, s'il y a des dégâts, on va dire il faut que l'État vienne à notre secours. Et pour terminer ce journal, 6 000 $, c'est la somme nécessaire pour faire soigner au Kenya et Guyanaise Joy Neema, âgée de 4 ans, qui a une tumeur dans l'œil. Sa mère fait savoir que ça a commencé à l'âge d'une année avec un petit bouton qui s'est agrandi du jour au jour, malgré qu'elle ait été soignée chez différents spécialistes, mais en vain. Elle demande à toute âme charitable de lui venir en aide pour sauver son enfant. Suivez Justine, il a causé la mère de cet enfant. Auparavant, c'était un simple bouton, mais ça s'est agrandi. L'enfant éprouve souvent des douleurs et quand elle pleure, c'est le sang qui coule au lieu des larmes. Quand les médecins ont constaté que c'est le problème du nerf optique, on lui a donné des médicaments, mais rien n'a changé. Après ça, les médecins lui ont prescrit un médicament venant de l'extérieur du pays, mais toujours, elle n'a pas guéri. C'est à ce moment qu'on a décidé qu'elle doit être soignée au Kenya. Au fait, cette tumeur est remplie de sang. C'est pour cela qu'au Burundi, ils n'ont pas pu opérer cette tumeur. Mais heureusement, l'hôpital du Kenya, ils ont trouvé qu'ils peuvent opérer, mais il manque toujours des moyens. La mère de Joy Neema, Guyanaise, donne son numéro de téléphone qui est en même temps en compte Limicash 61 631 629 ou bien sur le compte bancaire à la microfinance Reseka Inhingi au numéro 20 00 499. La famille de cet enfant vit dans le quartier Kamesa de la zone Musaga à mairie de Bujumbura. Et c'est par ici que l'on clôture ce journal. Merci de l'avoir suivi. Anne Désirée, Bukeyeneza.